palma da mão. Bate com o pé no chão. Bate com a palma da mão. E agora grita até mais não. Bate com a palma da mão. Bate com o pé no chão. Bate com a palma da mão. On était en train de préparer un petit jeu pour vous. On était en train de préparer un petit jeu pour vous avec Philippa. Philippa est avec moi. On s'échange, on est en téléphone ensemble pour vous préparer des petites animations quand même. Même si malheureusement, on n'a pas pu être là aujourd'hui. Parce qu'elle est un peu malade du coup. Et pour l'entendre, elle est vraiment malade. Du coup, Philippa, je sais que tu nous écoutes. Je te fais des gros bisous et courage pour ta voix. Mais du coup, on a préparé un petit jeu, vu que c'était la nouvelle année. On va faire un on va remonter dans le temps. Et on va remonter jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. On va faire un petit jeu, du coup, on a besoin de vous. On va partir des années 80 jusqu'à 2025. Donc on va faire 80, 90, 2000, 2010, 2020 et 2025. Alors, quand on dit 2025, c'est les musiques qui sont sorties là et qui vont nous faire, danser jusqu'à toute l'année 2025, voilà, c'est ce qu'on veut dire. Et du coup, on a préparé une petite liste de musique, mais on a besoin aussi que vous nous aidiez à rajouter des musiques. Surtout pour les années 2000, on n'a pas réussi à trouver des musiques, mais on compte sur vous. Donc, il faut nous aider à trouver des musiques, dans ces années-là. Donc, une musique portugaise, française, espagnole, brésilienne, comme vous voulez. Juste, on a besoin de vous pour nous trouver des musiques, pour nous aider, parce que du coup, on a préparé quelques petites musiques. Pour nous, ça représente ces années-là, mais c'est différent pour tout le monde. Donc, comme ça, on écoute un peu les musiques de tout le monde. Donc, on a besoin d'une musique dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, dans les années 2020 et dans les années 2025. Donc, à vous de nous appeler au 02 38 43 48 00 et vous nous dites la musique et dans quelle année et on la passera et on pourra même faire une petite dédicace au passage si vous souhaitez, si c'est une musique qui vous tient à cœur, etc. Donc aidez-nous à faire ce petit jeu, on compte sur vous, voilà. qu'on commençait, du coup, on va commencer à remonter un peu dans le temps avec une musique qui date un peu, oui, qui a 13 ans, mais que vous connaissez tous. On écoute. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Donc voilà, on a un peu commencé à remonter dans le temps. Bon, on n'a pas commencé le jeu, mais on met un peu de musique et en attendant vos réponses, on vous laisse jusqu'à 10h pour nous aider à trouver des titres. On continue avec une musique qui a fait un carton avec un artiste que vous connaissez, un petit indice, Danza Kuduro. Mais c'est pas cette musique qu'on va écouter, on va écouter Fugir. Levantar a poeira da estrada, beber copo, chegar de madrugada. Felicidade não tem hora marcada, quem sorri pra vida não tem medo de nada. Levantar a poeira da estrada, beber copo, chegar de madrugada. Andar em frente sem pensar em mais nada, que esta vida não é nada. Eu quero ver o sol nascer e ver o dia clarear. Eu quero ver o sol nascer e um novo dia celebrar. Es

estás sozinho e não tens ninguém. Bem, não tenhas medo de te entregar, pois quando se ama o amor é lindo. Vives sorrindo por tanto amar, já que tens vergonha de me seduzir e não tens coragem para me beijar. Vou ter de ser eu a ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Vai abrir a porta, acho que é paixão. Le jeu, donc j'ai préparé la playlist donc pour remonter dans le temps. On va commencer donc dans les années 80 avec un titre de Amalia Rodriguez, Gaivota. On écoute. Une gaivota viesse trazer-me céu de Lisboa. Neste céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração. Marinheiro dos sete mares andarilho, fosse quem estava primeiro. A contar-me o que inventasse, de um olhar de novo brilho, ao meu olhar se enlaçasse. Meu peito bateria. Et nous allons continuer donc dans les années 80 avec un artiste mondialement connu, un artiste vraiment mondialement connu, qui est Michael Jackson, avec un de ses titres emblématiques, Thriller. On écoute. It's only a movie. It's not funny. I was scared, weren't you? Alors j'ai pris la mauvaise version du coup, parce que c'est celle où il fait juste la chorégraphie et j'avais pas vu. Je m'excuse pour ça. Du coup, on va prendre un des titres que j'avais préparé aussi sur Michael Jackson, aussi mondialement connu, que vous connaissez à peu près tous, je pense, Billie Jean. She's just a girl, but I am the one. Et on continue. Du coup, on va passer dans les années 90, si je me sens bien, avec ce titre aussi incontournable, une chanteuse formidable que vous connaissez. Et on part un peu dans du rock avec J'irai où tu iras de Céline Dion. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux gris où ton sang coule des bras de sel. J'irai où tu iras. Mon pays sera ton. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Toujours dans les années un peu 90, proche des années 2000, Ricky Martin. Ah. Ricky Martin. Et on continue, là dans les années 2000, on continue avec Daddy Yankee, Gasolina. Continue en musique avec un titre incontournable aussi, toujours dans les années, je crois 2000, oui tout à fait, dans les années 2000, avec Femme Like You. Hey, come on. girl. Come on, let's do this gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. La soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe au fond de ton lit. Sur la scène et ton bruit sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines. Comme mon bras elle coule dans les veines. Une femme t'es belle et quand tu chantes t'es sexy. Flash sur elle, what's up baby. Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rock baby, ta soul baby. Avec moi je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock baby, ta soul baby. Chante avec moi je veux. Qui se raconte une chanson pour le dire. Y'a les mots, les images pour le décrire. Belle rencontre à l'ancienne. Un flash, y'a ta magie sur scène. Le rideau tombe et c'est terminé. Une belle collabo, des mots sur une feuille qui sont rappelés. Ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fond, ton rap, baby. Ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Like you. On continue en musique toujours dans les années 2000 avec une musique un peu incontournable aussi de Jesse Matador Morena. Oh, bis, bis e doutor. Bum, bum, bum, o café. Des musiques, c'est vrai que on les avait oubliées un peu. On continue en musique avec une musique que Philippa a choisie pour vous. Donc une musique où elle fait une dédicace aussi au passage, car oui, elle nous écoute. Oui, elle est là, même si malheureusement elle n'a pas pu avec sa voix. Encore gros bisous et prends du sirop, prends tout pour être en forme la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc elle nous souhaite une à vous tous. Une très belle année 2025, de gros bisous, que de bonnes choses. En espérant que toute votre résolution sera aussi possible. Bon, ça, je sais pas si elle me l'a dit, mais je sais que la semaine dernière, elle aimait bien les résolutions, donc elle aussi, j'espère que ses résolutions seront faites. Hein, le permis aussi. Bon, après, je suis très mal passé pour en parler pour le permis, mais voilà, on est tous les deux sans permis, mais c'est bien drôle quand même. Donc gros merci Philippe, on lui fait des gros bisous et donc elle vous souhaite une très belle année. Et hâte de vous revoir. On écoute pour ça Ana Julia Los Hermanos. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar. Na certeza de amor, me achar nada. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho. Eu me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia. você já não quer o meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, Júlia, Júlia, uau, uau, uau. Et on continue en musique, et là nous allons passer donc dans les années 2020, dans les années 2020, avec bien sûr nos artistes incontournables Kalema, Te Amo. Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir, ouvir que me queres. Sentir quem tá me queres. E não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo. Te perdi por tão pouco. Tu sabes que eu te amo. Não és mais pra mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. De como foi um bobo. Que te perdi por um bobo. Eu estou tão mal, não vou aguentar não. Vou dar só um parar. Et donc on continue dans les années 2020 avec une musique française qui a fait carton, vraiment fait carton, et qui nous vient de Corse, je crois, la Gofalorita. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la gomme Lolita. C'était Loli. Et j'attrape Lolita, et je me prends une chapate, car les femmes du XXe siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la gomme Lolita. C'était Loli. La Gofa Lolita. On continue donc. Bon, c'est une musique dans les années 2024, mais comme je l'ai dit, c'est une musique qui fait le tour du un peu de partout en ce moment, mais du coup qui va nous faire danser toute l'année 2025. Donc c'est pour ça qu'on la met. Bon, ainsi que toutes les musiques qui sont passées là aussi. Mais voilà, c'est le petit jeu. Du coup, c'est la musique de du groupe Marotos de Constantina. En main de Sofia. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais je me suis senti un peu mieux que d'habitude. On écoute. Já me disse que era sempre tradição e que tinha de pedir ao pai dela permissão. Eu não hesitei e para a regra não fugi. Lá fui eu à casa dela para o senhor lhe pedir. Tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir.

Et c'était la nouvelle musique de Chita qui est sortie il y a même pas un mois. On continue dans la nouveauté avec un titre de Tania qui est sorti il y a un jour. Et tout ou nada. De Tania. On continue avec une musique qui est sortie, on continue dans la nouveauté avec un titre qui est sorti il y a 2 mois de Rita et Daniela Amin Consulting. Até ao fim do dia. Ai, eu adoro quando canto e quando toco. Na minha... Et on continue avec une musique de Juan Largo Osso. Já te consegue aturar. E com essa bebedeira, pouco importa a maneira.

Mas quem te disse? Quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão, guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tudo à crioula, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz. Prochaine musique, c'est une dédicace de la part de Emma pour tout le monde. Elle nous souhaite à tous et à tout le monde une très belle année et de gros bisous à tout le monde. Et pour ça, on écoute Mentirosa. De la part de Jérôme pour sa maman, pour moi, ainsi que pour Philippa. Il nous souhaite une très belle année 2025. On lui fait des gros bisous et on écoute Chris Ribeiro. Meu amor de dia em dia foge que desaparece. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não o merece. Ai, quem me dera, meu amor. Ai, yeah. C'est la fin de notre émission de ce matin. C'était une très belle émission, on a bien rigolé. J'ai rigolé de mon côté, parce qu'il n'y avait pas Philippa, mais on s'envoyait des messages, on rigolait. Elle se moquait un peu de moi des fois aussi, mais bon. Philippa, c'est toi qui es malade aujourd'hui, c'est pas moi. Donc, du coup, on lui fait encore des bisous et on espère la retrouver très bientôt, peut-être la semaine prochaine. C'est encore à déterminer si ce sera l'émission de Christine, donc qui sera Portugal no Corazón. Ou avec vous, ou les deux, et donc les deux qui donnent le nom. Alors attendez, il faut que je me rappelle du nom qu'on a donné à notre émission en commun, qui est du coup Portugal no Corazón con Vosco. Oui, con Vosco. Voilà. Donc c'est notre émission qu'on est tous les deux, tous les trois maintenant. Du coup, Yvick et Philippa. Donc ça sera soit Corazón. Portugal no Corazón, j'ai un petit quelqu'un qui est derrière moi qui me souffle à l'oreille, mamie, ou Portugal no Corazón con Vosco, ou avec vous, on verra. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour savoir justement, donc soit avec -vous -radio ou Radio Arc-en-Ciel tout simplement sur Facebook et Instagram. Donc on vous fait des gros bisous, et avec Philippa on a eu une petite idée du coup avec le jeu qu'on a fait sur remonter le temps jusqu'aux années 80, 90, 2000. On vous en dit pas plus, juste je vous mets le petit indice au passage. Donc à vous de voir pour quand on sera là. Donc c'est pour ça qu'il faut nous suivre. Bon, sinon je vous souhaite un très bon week-end, un bon samedi et fin de vacances, parce que oui, c'est les fins de vacances de Noël, des fêtes. Donc les jeunes, faut aller à l'école. Moi, j'ai pas eu de vacances cette année, donc ça me fait ni chaud ni froid à vrai dire que ça soit la rentrée. Mais bon, courage à tout le monde, courage pour la rentrée, rentrez bien si vous revenez du Portugal, si vous revenez de n'importe où. Et je vous fais des gros bisous et ciao ciao, à la semaine prochaine. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol.